Lundi 22 octobre, 8h moins quelque chose encore. Petit quiz musical du matin. J'ai pris mon petit déjeuner presque dans le noir ce matin. À 6h il fait encore nuit. Seules les lumières blafardes des grands projecteurs de la cour viennent renforcer les ombres de la cellule, une cellule que je connais à présent par cœur. Chaque coin m'est familier. Presque chaque coin, si ce n'est bien sûr la couche de Jean-Marie que je ne connais pas. C'est vrai qu'elle se situe au-dessus de mon champ de vision. Je ne sais pas ce qu'il y fabrique, et je ne veux pas le savoir. Mon regard ne porte pas si haut. Il y a aussi toutes les parties droites de l'ancienne couchette de Bébert le Sicilien où Jean-Marie a posé ses trois sacs, en attendant qu'on nous mette un troisième gars. Jean-Marie nous a fait sortir le matelas de mousse. Voilà une cache en moine pour les cafards. Pendant que je déjeune tranquillement, j'ai mis un bocal de lait à chauffer pour Jean-Marie. Pour cela, les pots de Nutella vides me sont ici bien utiles. C'est aussi là-dedans que je conserve les fonds de potage et les restes de gamelle, qui me servent à rehausser le fumet de la soupe. C'est bien connu de tous les cuisiniers, le rôti a meilleur goût. Parfois mon savoir-faire culinaire inquiète un peu Jean-Marie. Il s'interroge quant à l'aspect proprement hygiénique de mes préparations culinaires. Va. Jean-Marie, ne sais-tu pas que l'humanité a vécu plus d'un million d'années à manger ainsi des restes à moitié digérés? Nous ne sommes pas des fauves pour manger la viande crue. Il nous faut bien ça, du cuit et du recuit pour alimenter nos cellules. Nos cellules, nos cellules. Et même, pour que ça ait plus de goût, mieux vaudrait que ça faisande un peu, mais ça, je ne lui dis pas. Nous aimons les chairs molles et les goûts capiteux. C'est ainsi qu'on digère mieux, c'est ainsi qu'on nous digère le mieux aussi. Ce matin, j'ai avalé un reste d'omelette de l'avant-veille, et une des tomates qu'on laisse mûrir sur le frigo jusqu'à ce qu'elle soit bien gorgée de sang. Je me suis beurré une tartine de miel pour adoucir le café. Ah, que j'ai de l'appétit le matin. Ça prouve encore que j'aime vivre en tout cas. Ou plutôt que mes entrailles ont encore faim de quelque chose. J'ai allumé la télé pour m'éclairer. C'est la meilleure solution. Elle diffuse une lumière tamisée, et changeante qui ne dérange pas Jean-Marie. À cette heure-là, il dort encore. Et quand il dort, qu'est-ce qui pourrait le déranger? J'ai mis le son de la télé au minimum, juste pour entendre un peu. Histoire de ne pas déjeuner tout seul. Je me branche régulièrement sur Arte le matin. Souvent, il y a de la musique classique. Je prends le programme en route. Ce matin c'est de la musique de chambre. En cellule, ça va bien. Un trio pour violon, violoncelle et piano. Le jeu consiste alors pour moi de tenter de reconnaître le compositeur. Je joue avec moi-même. Ça c'est de la musique romantique, il n'y a pas de doute. De la musique allemande, peut-être. Allez. Concentrons-nous. Brahms peut-être, c'est fluide et très coloré, presque dansant. Non. Ces accents-là, ce n'est pas de la musique allemande. Ça vient de plus à l'est. Oui, c'est ça. Plus à l'est. Navostok. C'est sûrement russe. Et tellement romantique que ce ne peut être que Tchaïkovski. J'attends le générique de fin. Là, si je me suis trompé, c'est que je connais rien à la musique, à la grande musique en tout cas. Vont-ils mettre le nom de l'œuvre et du compositeur? Pan. Dans le mille. J'ai fait tout bon. J'ai gagné mon quiz musical du matin. Presque, je réveillerai Jean-Marie pour lui dire. La musique classique en prison, c'est comme la poésie. Vraiment ça sert à rien. Avec mes poèmes et mon trio pour violon, violoncelle et piano sous le bras, j'ai l'air d'un bouffon. Si au moins je dansais le « hip, hop »